Chronique de l'Instabolé avec notre ami Hugues Fauché. Salut Hugues. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien Hugues. Écoute, c'est une chronique un peu bizarre parce qu'il y a des matchs en cours. Oui. Il y a des Ben, matchs qui... Ouais. j'avais pour idée peut-être de te parler dans un premier temps. On a eu le premier classement du comité qui est sorti mardi. Mais avant, je veux te parler de la grosse nouvelle. C'est une nouvelle, c'est vraiment une nouvelle intéressante. C'est que Sarah Fuller va devenir la première femme botteuse de dégagement à botter dans le Power 5. Elle va jouer demain alors que Vanderbilt va affronter Missouri. C'est toute une nouvelle, ça? Fantastique. C'est sûr que je vais jeter un œil là-dessus. Je trouve ça fantastique de voir ça. Et comme on en parlait un petit peu hors d'onde, là, je sais qu'il y avait une des joueuses de l'équipe nationale américaine de soccer, je ne me rappelle plus laquelle, qui avait été faire des placements pour le plaisir avec je me souviens plus si c'était avec les Colts, en tout cas avec une équipe de la NFL, puis, mais la seule chose que je me souviens, c'est qu'elle rentrait des bottées de 45 verges, la fille. OK. Alors, tu sais, elle, Mais peu c'est un importe, botteur de précision, mais c'est fantastique. faut que tu aies le pied pesant pareil, là. Tu sais, c'est Oui. beau être une femme, là. Tu sais, il faut quand même, ça prend une force pareille, là, beauté, là. Tu Tout sais, à fait. donc c'est une nouvelle quand même intéressante. Tu veux me parler du rapport du comité? Oui, parce que on a eu notre premier vrai classement. Donc là, c'est pas des spéculations par Associated Press, c'est le classement du comité. C'est ça qui va compter à la fin de l'année. Écoute, honnêtement, là, j'ai regardé le show parce que c'est le mardi soir hein, qu'on a ça. ESPN Euh, ou et à puis ils vont leur TSN? à TSN, et on va leur faire à chaque semaine là, d'ici la fin de l'année. Mais c'est tellement intéressant cette année, Danny, parce que avec les cédules qu'on a, le Pac-12 a seulement joué 3 matchs. Les cédules n'ont pas commencé en même temps. Je vais être honnête, là, Ah, c'est personne ne bizarre. savait à quoi s'attendre. Ça Ah, va c'était faire bizarre. des ça va faire des frictions, j'ai l'impression. Enfin, chez BYU, j'ai vu que Ah BYU oui. était pas content. Du Non. classement, mais BYU, ils sont dans une division faible. C'est là qu'on voit que. Hein? Oui, absolument. Sauf que, tu sais, effectivement, BYU sont 14e. Ça a été le gros sujet de discussion. Les chroniqueurs n'en revenaient pas non plus quand ça a sorti en disant, voyons, 14e. C'est vrai qu'ils ont été pénalisés pour la faiblesse de leur calendrier, mais en même temps, ils massacrent tout le monde. Alors, tu sais, à un moment donné, tu peux pas faire plus que d'être 9-0 puis d'avoir gagné à peu près tous tes matchs par 15 points de différence ou plus, là, parce que c'est pas mal ce qu'ils font. Alors, tu sais, tu regardes ça puis tu dis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? En même temps, ils ont une cédule qui est faible. Ils ont essayé de rajouter un match contre Washington, donc du Pac-12, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est possible qu'ils rajoutent un match contre un adversaire plus difficile en fin d'année. Mais même à ça, à 14e, ils n'ont aucune façon de monter dans le top 4. Donc, on les oublie pour les séries. Dans le mieux, ils pourraient faire partie d'un des 6 bowls là, du New Year Day. Là. Donc, ils Ouais. pourraient peut-être des BCS bowls, mais sinon, ils sont pas ils sont trop loin, 14e. L'autre surprise du classement d'année, le Pac-12, qui a seulement 2 équipes classées. La première position revient à Oregon au 15e rang, mais ils ont seulement joué 3 matchs. Alors, la porte demeure ouverte pour le Pac-12, mais je pense pas que le Pac-12 va être capable de qualifier une équipe non plus. Visiblement, on les a pénalisés là, grandement pour avoir commencé, avec raison, selon moi, là, pour avoir commencé leur cédule en retard, pour avoir une cédule écourtée. Donc, les 4 premières places, Alabama, Notre-Dame, Clemson et Ohio State sont interchangeables. On a mis Clemson 3e, Ohio State 4e, mais c'est interchangeable, ça pourrait changer. C'est parce que Ohio State a seulement joué 4 matchs. Alors, OK. par la suite, intéressant, Texas A&M demeure devant Floride, mais Floride a sa destinée entre les mains. Donc, ensuite, 7e, ça, c'est la première grosse nouvelle, Cincinnati 7e. Oh, OK. Alors là, on parle, là, les gens comme moi, là, qui, tu sais, pourquoi pas un match éliminatoire, pas éliminatoire, mais un match, parce qu'on a de la flexibilité cette année pour ajouter des matchs, pourquoi pas Cincinnati-BYU, ça serait vraiment le fun. Ouais. Puis ça aiderait, si Cincinnati gagne contre BYU, moi, je te le dis, Danny, ça les aiderait, puis peut-être qu'ils pourraient monter en série. Le fait que Cincinnati soit 7e, ça veut dire que le comité exclut pas l'idée d'amener une équipe du Group of Five en série, puis s'il y en a une, ça serait Cincinnati. Mais écoute, en septième rang, ils sont, comme on dit en anglais, là, within striking distance. Ils pourraient accéder au top 4. Okay. Ensuite, l'autre grosse surprise, il faut quand même que je t'en parle, Northwestern est huitième. Ça, c'est bon. Alors, tu l'avais dit, c'est une équipe qui passe sous le radar, que personne ne parle, puis qui est déjà huitième, c'est extraordinaire. Oui, et ce que ça veut dire aussi, c'est que le comité aimerait ça avoir une équipe du Big Ten. Mm. Donc, ça devient l'alternative à Ohio State. C'est-à-dire que si Ohio State perd en finale du Big Ten, puis que Northwestern passe, ben à ce moment-là, ils ont une chance de faire partie du top 4 parce qu'on les a quand même mis très haut. Donc, Northwestern n'est pas... Alors, c'est extrêmement intéressant comme classement, très politique comme d'habitude. Le comité est formé de qui? Ah, c'est toutes sortes de spécialistes. Okay. Donc, on pourrait revenir avec ça, une chronique où on parlait un peu plus du comité. Mais il y a toutes sortes de gens là-dedans qui sont très... C'est politique, c'est très politique, là, j'imagine. Écoute, oui, parce qu'ils disent avoir des critères, mais je vais être honnête avec toi, Danny, là, ils sont durs à voir leurs critères. T'sais, c'est vraiment des choix qui sont politiques, ils veulent que ce soit comme ça, ça rend la chose intéressante aussi. Il n'y a pas un power ranking qui attire plus l'attention que celui du comité les mardis soirs. Ça devient un sujet de discussion, puis tout le monde a du fun à commenter, donc ils veulent que ce soit comme ça, mais ils ont certains critères apparemment qui sont, ils analysent notamment la difficulté du calendrier. Évidemment le nombre de victoires défaites, la difficulté du calendrier et mais ils ont de la place aussi pour une certaine interprétation où il y a un certain côté là, on le sait qui est politique et puis on y va avec ça donc ça fait toujours des classements intéressants puis des fois on a de la misère à comprendre certaines de leurs décisions. BYU 14e, c'est dur à comprendre. Ouais. Georgia, ils les ont mis 9e, c'est beaucoup trop haut tant qu'à moi là. Okay. C'est un peu ça, mais il faut faire avec. Alors moi, ce que je te dis, Cincinnati, on les exclut pas, Northwestern non plus avec le classement qu'on a fait là. Les matchs à surveiller en fin de semaine, écoute, c'est un peu bizarre. Il y en a. C'est quel match que tu nous dis? Comment? Les matchs à surveiller en fin de semaine, quel match qu'on regarde? Oui. OK. Écoute, c'est sûr qu'il va en avoir une coupe qui vont être jouées suite au... suite à aujourd'hui, mais il demeure quand même certains matchs de qualité. Ohio State va jouer demain. C'est sûr que c'est peut-être pas que c'est contre Illinois, mais ça demeure toujours intéressant de voir Ohio State. Mm-hmm. Florida qui est sixième. Eux autres, eux, ils ont leur destinée entre les mains aussi. S'ils veulent faire, eux vont affronter Kentucky, qui est quand même pas une si mauvaise équipe. Okay. On va voir Oklahoma State, ça va être à Fox contre Texas Tech à midi encore une fois. Okay. Deux équipes, puis là on a mis ce match-là à ABC, je vais te dire Danny, je la comprends pas, là. Deux équipes en complètement là, qui s'affaissent, Penn State contre Michigan. Donc, il faut vraiment être un... Ça aurait dû être ESPN, puis pas drôle à dire, oui. Hein, ça aurait dû même être à Big Ten Network, de la manière que ça marche, là, de rien que... Les deux équipes jouent, là. Ça aurait dû se ramasser à Big Ten Network. C'est pas drôle, pareil. C'est ça, pareil. Ça devrait, parce que là, il annonce à ABC, mais tu sais, j'ai de la misère à croire qu'on va faire de ça le match principal de la journée. Non, c'est deux midi, équipes demain, qui s'en vont. Non, il est à midi, lui. C'est pas le grand match. C'est pas les heures de non, non, non, non, mais. Oui, c'est ça, mais de midi, là, ça devrait. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans ce match-là. En tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup. Écoute, il y a deux matchs qui retiennent mon attention. Qui joue aussi contre, Oui, Auburn. Auburn, c'est pas mauvais non plus. Non, 3h30, ça, c'est peut-être le match qui va être très regardé dans la journée. C'est ce qu'on appelle là, le Iron Bowl. Donc, c'est une. Parce que c'est deux équipes, Auburn puis Alabama, qui viennent de l'Alabama. Auburn, c'est en Alabama aussi. Mm. Alors, c'est toujours. Écoute, il y a tellement eu. Danny, des revirements de situation dans ces matchs-là. Auburn se fait un devoir d'essayer de mettre Alabama dans le trouble à chaque année, puis ils ont déjà réussi à le faire. Okay. Alors, c'est toujours des grands affrontements. Et il y a aussi Pitt va jouer contre Clemson à 3h30. C'est Pittsburgh. Pas un mauvais match. Oui, c'est ça, les Pitt Panthers, les Pittsburgh, va jouer contre Clemson à 3h30. Moi, c'est un match qui retient quand même un peu mon attention parce que c'est le retour de Trevor Lawrence. Et j'ai hâte de voir s'il va être rouillé parce que ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué. Donc, c'est certainement un match que je vais regarder. Northwestern va affronter Michigan State. Okay. C'est quand même pas donné. Ça, c'est à 3h30 aussi, dans les matchs de 3h30. Donc, c'est pas un mauvais match. Et en soirée, on va avoir droit à du Pac-12. Donc, Utah contre Washington, notamment. Là. Ça devrait être le match peut-être en soirée. Utah, c'est toujours des bonnes équipes. Puis Washington est assez solide cette année aussi. Là. Donc, je pense que Washington, ils l'ont mis d'ailleurs dans le classement, je vais te dire ça, là, mais je me demande s'ils n'ont pas mis je le vois pas. OK, non, c'est ça, ils l'ont pas. Finalement, ils n'ont pas mis, mais je croyais que Washington pourrait se retrouver classé d'ici la fin de l'année. Là, donc, pas un mauvais match non plus. Non. Donc, mais c'est pas une grande fin de semaine. Il y a des bons matchs aujourd'hui, par contre. Là, donc, c'est surtout je pense que c'est surtout aujourd'hui qu'il y avait aussi des bons matchs. Ah oui, c'est ça. Fait que Pascal, pas Pascal, mais Hugues, on se reparle la semaine prochaine, lundi, avec la chronique. Oui. On va faire le retour de la NFL et de la NCAA. Tout à fait. Notre ami Hugues Fouché du site internet, lebetsnfl.com.